إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad, chers auditeurs, nous continuons la lecture et l'explication du chapitre des invocations du matin et du soir, tiré de l'ouvrage de Citadelle du musulman, écrit par le Cheikh Saïd ibn Ali al-Qahtani, rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui à la 15e invocation prophétique que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnée, qui consiste à dire 100 fois, matin et soir, « Subhanallahi wa bihamdihi ». Pureté à Allah et à lui les louanges. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que ceci est rapporté par l'imam Muslim et d'autres, rahimahumullah ta'ala, dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prononce cette parole 100 fois le matin et 100 fois le soir, nul ne viendra au jour de la résurrection avec une chose plus méritoire que ce avec quoi il viendra, sauf quelqu'un qui aura dit la même chose que lui ou plus encore. Et dans une autre narration, rapportée par Ibn Hibban et authentifiée par Al-Albani, rahimahumallah ta'ala, il est rapporté comme mérite de la prononciation de cette parole 100 fois matin et soir, que celui qui le fait, ses péchés seront pardonnés, même s'ils sont plus nombreux que l'écume de la mer. On voit donc à travers ces hadiths, le mérite immense et l'importance d'être assidu à la prononciation de cette formule de rappel matin et soir et de ne pas la négliger. Qui parmi nous n'a pas besoin de voir ses péchés pardonnés? Nous faisons tous des péchés, nous avons tous des manquements. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde et sa bienveillance envers ses serviteurs, il a légiféré pour nous des moyens très simples de nous faire pardonner. Regarde ici, la simple prononciation de cette parole, Subhanallahi wa bihamdihi, en quelques minutes, tu la prononces 100 fois. Et si tu fais cela, tes péchés seront pardonnés, même s'ils sont plus nombreux que l'écume de la mer. Et nul ne viendra au jour de la résurrection avec une chose plus méritoire que cela, sauf quelqu'un qui aura dit la même chose, ou plus encore. Donc ceci nous démontre qu'il est légiféré de prononcer cette parole au moins 100 fois, comme il est venu dans le hadith. Et rien ne t'empêche d'y ajouter. Au contraire, plus tu la prononceras, plus le mérite sera grand. Car il nous dit, sauf quelqu'un qui aura dit la même chose que lui, ou plus encore. Donc il n'y a pas de mal à ajouter et la prononcer plus que 100 fois. Tout en veillant bien sûr à ne pas le faire au détriment des autres formules de dhikr qui sont légiférées. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit lors de l'explication d'un hadith semblable à celui-ci. Ceci prouve que le nombre ici ne fait pas partie des limites qu'il est interdit de dépasser, ni un nombre au-delà duquel il ne faut pas aller. De même, ce n'est pas un ajout qui ne comprend aucun mérite ou qui l'invalide, comme l'ajout dans le nombre de lavages lors de la purification ou dans le nombre d'unités de prière. Il attire ici notre attention sur le fait que la base dans l'adoration, en réalité, c'est que l'on doit dans celle-ci se limiter au texte et ne pas dépasser ce qui est mentionné dans les textes. On sait que lorsque tu fais tes ablutions, il est légiféré pour toi de te laver au moins une fois chaque membre, et ceci est obligatoire. Et il est recommandé de le faire plus que cela jusqu'à 3 fois et de ne pas dépasser 3 lavages. Au-delà de 3 lavages, tu transgresses et tombe dans un interdit. Or ici, ce n'est pas le cas. Le nombre 100 n'est pas une limite à ne pas dépasser. Tu peux aller au-delà de cela. Et plus tu prononceras cette parole, plus le mérite et les récompenses que tu obtiendras seront grands. Inch'Allah ta'ala. Et il nous donne ensuite, toujours Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, un autre bénéfice important concernant l'explication de ce hadith et il dit. Et il est possible que sa parole... ou plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf quelqu'un qui aura dit la même chose que lui, ou plus encore. Il est possible que sa parole, ou plus encore, vise un ajout dans les œuvres de bien, c'est-à-dire pas seulement cette formule de rappel. Sauf quelqu'un qui aura dit la même chose, qui aura fait ce dhikr, ou plus encore, qui a ajouté à cela d'autres œuvres, qui a ajouté à cela d'autres formules de rappel, qui a ajouté à cela d'autres bonnes actions. Il dit donc, rahimahullah, il est possible que sa parole, plus encore, vise un ajout dans les œuvres de bien, et non de cette formule de dhikr elle-même. Et il est aussi possible qu'il vise tout ajout de manière absolue, que ce soit cette formule de rappel ou autre, et ceci est ce qui est le plus apparent. Fin de citation de la parole d'Al-Hafid al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc en résumé, il est légiféré de prononcer cette parole 100 fois, matin et soir, afin d'obtenir le pardon de ses péchés, mais également d'obtenir ce mérite immense mentionné dans le hadith qui est que personne ne viendra au jour de la résurrection avec une chose plus méritoire. Sauf quelqu'un qui aura dit la même chose, ou plus encore, qui aura ajouté à cela en termes de nombre, et aussi qui aura ajouté à cela en termes de bonnes actions. Et une autre question se pose ici. Pour obtenir ce mérite, dois-je impérativement prononcer cette parole 100 fois à la suite, ou alors puis-je la prononcer de manière discontinue et obtenir ce mérite? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord savoir qu'on a vu qu'il est légiféré de prononcer cette parole 100 fois le matin et 100 fois le soir, c'est-à-dire au moment des adhkar du matin et du soir. Mais faut-il impérativement la prononcer 100 fois à la suite? La réponse est que ceci n'est pas une condition pour obtenir ce mérite, car rien ne le spécifie dans les différents hadiths rapportés à ce sujet. Toutefois, le mieux reste de le faire de façon continue. Pourquoi? Afin d'être sûr de bien l'accomplir, de ne pas être distrait et de ne pas oublier. Et plus l'on s'empresse dans les bonnes actions, plus on se préserve de leur délaissement et de leur négligence. Donc en résumé, il est permis de prononcer les 100 fois de manière discontinue, mais ceci n'est pas une condition pour obtenir le pardon de ses péchés. Reste à préciser que le pardon des péchés visé ici dans ce hadith et autres hadiths semblables, comme l'ont mentionné les savants, ceci concerne les péchés mineurs. Quant aux péchés majeurs, les grands péchés, pour se faire pardonner, il est impératif pour cela de s'en repentir d'un repentir sincère, en remplissant l'ensemble des conditions du repentir. Délaisser ce péché, avoir des regrets de l'avoir commis, avoir la ferme volonté de ne plus commettre ce péché et réparer les torts causés si ce péché est lié à un droit des créatures. Reste à savoir quel est le sens de ces paroles. On a vu leur mérite, on a vu la récompense immense que l'on pouvait obtenir. Mais qu'est-ce qu'elle signifie? Il est important de comprendre ce que l'on dit. Subhanallahi wa bihamdihi, que j'ai traduit par « pureté à Allah et à lui les louanges ». At-tasbih, lorsque tu dis Subhanallah, cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt et purifié de tout défaut et de tout manquement. Lorsque tu dis Subhanallah, tu proclames la pureté d'Allah. Il est pur de tout défaut. Il est pur de tout manquement. C'est cela le sens de cette parole. Puis ensuite tu dis wa bihamdihi, et à lui les louanges. À lui seul reviennent toutes les louanges subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il se caractérise par les attributs de perfection. Il est donc le seul en droit d'être loué. Et tu vois que cette parole réunit entre la négation et l'affirmation. La négation de tout défaut et l'affirmation de toute perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pense donc à cela lorsque tu prononces cette parole, que ton Seigneur est purifié de tout défaut et qu'il se caractérise par les attributs de perfection subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant à la 16e et la 17e invocation prophétique que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné et qui consiste à dire « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. » Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah seul sans associé. À lui la royauté et à lui les louanges, et il est capable de toutes choses. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit tout d'abord que cette invocation est à prononcer 10 fois matin et soir et une fois en cas de paresse. Puis ensuite, il nous dit qu'elle est aussi à prononcer 100 fois. Et on trouve dans la citadelle du musulman 100 fois le matin. Mais en réalité, cela est légiféré 100 fois le matin et 100 fois le soir également, comme cela est venu dans le hadith. Et le mérite de la prononciation de ces paroles est venu dans différents hadiths. La récompense de le prononcer une fois est venue notamment dans un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani rahimahumallahu ta'ala. Toutefois, je tiens à souligner que le hadith est rapporté sans la mention en cas de paresse. Donc ceci est certainement un effort de l'auteur rahimahumallahu ta'ala, comme s'il voulait nous dire qu'en cas de paresse, il te convient de ne pas négliger la prononciation de cette parole, ne serait-ce qu'une seule fois, car c'est une parole dont la prononciation découle de celle-ci une récompense immense. En effet, il est rapporté que celui qui la prononce, c'est comme s'il avait affranchi quatre esclaves parmi les enfants d'Ismaïl. Et dans un autre hadith, il est rapporté que c'est comme s'il avait affranchi un esclave des enfants d'Ismaïl, qu'on lui inscrit 10 bonnes actions, qu'on lui efface 10 mauvaises actions, qu'on l'élève de 10 degrés et qu'il sera protégé du diable jusqu'au soir. Et s'il le dit le soir, il aura la même chose jusqu'au matin. C'est-à-dire qu'il aura la même récompense et il sera aussi protégé du diable jusqu'au matin, en le prononçant une fois. En la prononçant 10 fois, comme cela est rapporté par An-Nasa'i dans un hadith jugé bon par Al-Albani, rahimahumallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah lui inscrit 10 hasanat, 10 bonnes actions, lui efface 10 mauvaises actions, et elles seront pour lui comme l'affranchissement de 10 esclaves. Et Allah le protégera du diable. Et celui qui le dit le soir obtiendra la même chose. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, comme je l'ai mentionné, nous dit ensuite qu'il est aussi rapporté de prononcer cette parole 100 fois. Et ceci est ce qu'il y a de plus complet. Et son mérite est un mérite immense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, que celui qui prononce cette parole 100 fois le matin et 100 fois le soir, cela est pour lui comme l'affranchissement de 10 esclaves. On lui inscrit 100 bonnes actions et on lui efface 100 mauvaises actions et il sera protégé du diable durant ce jour jusqu'au soir. Et bien sûr, s'il le fait le soir, il sera protégé jusqu'au matin. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et nul ne viendra avec une chose plus méritoire que ce avec quoi il viendra, sauf quelqu'un qui aura dit la même chose que lui, ou plus encore. Donc tout ceci nous démontre l'importance de la prononciation de ces paroles matin et soir. Au moins une fois, ou alors 10 fois, et au mieux 100 fois. Et médite sur les récompenses qui sont mentionnées, comme l'affranchissement d'un esclave, ou de 4 esclaves, ou de 10 esclaves. Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, nous explique la valeur immense de cette récompense. Il dit, rahimahullah, c'est-à-dire que la récompense de ces paroles est semblable à la récompense de celui qui a affranchi 10 esclaves. Et concernant l'affranchissement, celui qui a affranchi un seul esclave, Allah subhanahu wa ta'ala, pour chacun des membres de cet esclave, les membres de son corps, il affranchira un de ses membres du feu de l'enfer. C'est-à-dire un des membres de celui qui a affranchi cet esclave. C'est cela la récompense de l'affranchissement. Donc ici on parle de l'affranchissement de 10 esclaves. Tu vois donc que c'est une récompense immense, une préservation du feu de l'enfer. Puis il ajoute à cela qu'on lui inscrit 100 hasanah et qu'on lui efface 100 mauvaises actions. 100 bonnes actions inscrites et 100 mauvaises actions effacées. Allah subhanahu wa ta'ala lui réunit tout cela en termes de récompense. Puis il nous dit, rahimahullah, et chacune de ces hasanat est décuplée, elle est multipliée par 10. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Man ja'a bil hasana, falahu ashru amthaliha. Celui qui vient avec une hasana, une bonne action, il en aura 10 semblables à elle. Donc la prononciation de cette parole, c'est 100 hasana. 100 hasana pour lesquelles tu obtiendras, pour chacune d'entre elles, l'équivalent de 10 semblables à elle. Allahu Akbar. Tu vois donc que c'est une récompense immense à ne pas négliger, de laquelle il ne convient pas de nous priver. Et quant au fait qu'il sera protégé du diable jusqu'au soir, ou s'il la prononce le soir, qu'il sera protégé du diable jusqu'au matin. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préservera durant cette journée. Et le diable ne parviendra pas à le faire fauter ou à lui suggérer des mauvaises suggestions ou de mauvaises inspirations en raison de la bénédiction qu'il y a dans la prononciation de ces paroles. Beaucoup de personnes se plaignent des wasawis. Beaucoup de personnes se plaignent du mal du diable ou de différents mots occultes. Mais combien sont ceux parmi ces personnes à faire les causes pour s'en prémunir? Et parmi ces causes, le fait d'être assidu à la prononciation de ces paroles matin et soir. Donc tu dois faire les causes pour t'en prémunir et ne pas te plaindre de ces méfaits sans t'armer face à ces ruses et ces suggestions. Car plus le cœur se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il sera proie au diable. Et inversement, plus le cœur sera assidu au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus le diable aura du mal à l'atteindre, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, attire notre attention sur une question d'une grande importance. Et il nous dit, rahimahullah, ces récompenses immenses, elles ne peuvent s'obtenir de manière complète que par celui qui accomplit le droit de ses paroles, qui a dans son cœur leur sens, c'est-à-dire qu'il est conscient de leur sens lorsqu'il les prononce, qu'il les médite en les comprenant et dont le sens lui est clair. Comme on ne cesse de le répéter depuis le début de cette série de cours, ces formules de rappel, ce n'est pas des simples syllabes que tu prononces les unes à la suite des autres. Mais ce sont des paroles immenses qui ont un sens. Ce sens, tu dois l'apprendre. Tu dois le connaître. Tu dois le méditer. Chercher à le comprendre. Et également chercher à comprendre ce que cela implique afin de le mettre en pratique. La ilaha illallah. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Illallah, sauf Allah. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Pensez-vous que celui qui prononce cette parole 100 fois le matin, 100 fois le soir, ou même à longueur de journée, puis qui ensuite, durant sa journée, se rend auprès de la tombe de Sidi Fulan ou Sidi Adlan, puis l'invoque en dehors d'Allah, ou fait un sacrifice pour lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou se rend auprès d'un mausolée, invoque les saints et les walis, ou autre chose semblable, pensez-vous que celui-ci, la prononciation de cette parole, lui sera d'une quelconque utilité? La réponse est non. Même s'il la prononce 1000 fois ou 100 000 fois, tant qu'il ne comprendra pas son sens et ne concrétisera pas l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et en reniant l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les saints, parmi les walis, parmi les mausolées, cette parole ne lui sera d'aucune utilité. Tu dis donc « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, seul sans associé ». Seul sans associé vient confirmer le sens de la ilaha illallah. Ceci est une confirmation de l'attestation du tawhid. Puis tu dis lahul mulku wa lahul hamd. À lui la royauté, à lui les louanges. On a vu ce que cela signifie affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à détenir la royauté. Cela signifie que nul autre que lui ne possède la royauté absolue et les rois de ce bas monde ne détiennent qu'une royauté restreintes qu'ils n'ont obtenues que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une royauté temporaire. Donc lorsque tu reconnais que la royauté revient à Allah, ceci doit te pousser à ne pas avoir de sentiment de dépendance si ce n'est Allah. À ne pas avoir d'espoir si ce n'est Allah. À ne pas vouer de servitude si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le roi des rois et qui détient la royauté absolue. Et à lui reviennent toutes les louanges pour tout bienfait dont tu as été comblé. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas aux créatures, même si une créature a été la cause te permettant d'obtenir un bienfait. Cette créature, qui lui a facilité cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidé à cette action. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a facilité d'être une cause pour toi te permettant d'obtenir ce bienfait. Et bien sûr, le serviteur fait preuve de reconnaissance envers cette créature, car ceci fait partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois avoir conscience que ce bienfait ne provient pas de la créature, mais il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu le loues en toute situation. Dans les moments d'aisance, tu le loues à titre de reconnaissance, de remerciement. Et dans les moments de difficulté, tu le loues car tu t'en remets à lui, subhanahu wa ta'ala. Et tu sais que ce qui t'a atteint et qui te nuit et qui te cause du tort, il se peut qu'il y ait un grand bien pour toi dans cela, même si cela ne t'est pas apparu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement où se trouve ton bien et c'est pour cela que tu le loues dans toute situation. Ensuite, tu termines en disant « Wa huwa ala kulli shay'in qadir » et il est capable de toute chose. Rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a donné la vie, il nous a créé à partir du néant. C'est lui qui nous donnera la mort subhanahu wa ta'ala et il rétribuera à chacun d'entre nous en fonction de ce qu'il a œuvré. Donc ceci est le sens de cette parole. Tu dois le comprendre, tu dois le méditer et tu dois mettre en pratique tout ce que cette parole implique. Et ainsi tu obtiendras de manière complète, inshallah ta'ala, la récompense mentionnée dans ces hadiths que l'on vient de citer. Et comme pour l'invocation précédente, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est obligatoire de prononcer cette parole 10 fois ou 100 fois à la suite? Ou peut-on les prononcer de manière discontinue et tout de même obtenir ce mérite? Al-Hafiz al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a répondu à cette question et il a dit, ce qui apparaît du sens absolu du hadith est que cette récompense est obtenue par celui qui dit cela durant sa journée. Qu'il le dise de manière continue ou discontinue. Que tu le dises 100 fois d'un coup, ou alors 10 fois, puis 10 fois, puis 10 fois, et ainsi de suite. Qu'il le fasse en une seule assise ou en plusieurs. Puis il dit, rahimahullah, toutefois, le mieux est de le faire de façon continue, en début de journée, afin d'être protégé durant toute sa journée. Fin de citation de la parole d'Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, selon le sens rapproché et résumé de sa parole. Donc le mieux reste tout de même de le faire de façon continue, et de le faire en début de journée, durant les adhkars du matin. Car la protection, tu ne l'obtiens qu'une fois avoir complété le nombre légiféré te permettant de l'obtenir. Donc plus tôt tu termineras, plus tôt tu seras protégé, Inch'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra les invocations restantes lors des prochains cours, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.